dans ce livre, tutasoma kwa mafazi mbili. Esaïe au chapitre 6. Sura ya sita ya Isaya. Dans son verset 1. Mustara Kemoja. Et nous prendrons aussi deuxième chronique. Jisho tutaenda kwa mambo ya siku ya pili. Esaïe au chapitre 6. Sura ya sita ya Nabi Isaya. Fais une base pour nous conduire dans la prière. Duku mbaze tataoma. Baba Mungu, tunawapigia asante na kuwashukuru tena mara nyingine kuweza kuishi katika kufurahia muda wote wako. Tazama Senyewe, tunatoka kusoma neno lako. Ulisema nizikufika na Mungu mensiespiki na kuomba Roho yako Mtakatifu itakikushuka juu ya mtumishi yako ili Senyor apate kuzungumzia, tupate kujua namna gani ya kuweza kukitoa ndani yako na tuweze Senyor kukutegemea maisha yetu yote. Asante Bwana kwa neno tulipatia siku ya leo. Tunaamini ya kwamba utaweza kugusa kila mmoja wetu Senyor na kuweza kumsaidia aende tena kuvili ndani ya sauti yako. Tunaomba hii yote ni jina la Bwana Yesu Kristo. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont il se servait, il se couvrait la face. Deux dont il se couvrait le pied. Et deux dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des 27, et il toucha ma bouche. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: voici, envoie-moi. Pour vous asseoir. Deuxième chronique, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatia. Uzia mwenye kuya na umri wa 16 apate kombola baba yake Amatia kwa ufalme. Ozias rebati Elot et la fit rentrer sous la puissance de Judas. Après que le roi fut couché avec ses pères, Ozias avait 16 ans. Lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant tous les jours de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. C'est depuis hier que nous parlons sur les influences. Nous avons montré que l'Église de Dieu vivant a besoin d'un réveil. Le réveil ne vient que parmi un peuple qui vit, un peuple racheté qui vit une vie sanctifiée. Aussi longtemps qu'une église est liée à des compromis, elle est liée à des fausses doctrines, à la mondanité, aux habillements indécents, il sera pratiquement impossible à cette église d'avoir un véritable réveil. C'est pourquoi l'église doit être balayée de tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Nous avons commencé notre histoire avec le roi Ozias. Nous avons montré qu'il fut un berger. Il aimait beaucoup l'agriculture. Âgé de 16 ans après la mort de son père, il fut oint comme roi de Juda. C'est un garçon qui avait des parents pieux, de très bons parents. Ozias avait une bonne mère, un bon père, qu'il avait éduqué dans les voies du Seigneur. Et ce garçon était sage parce qu'il accepta toute l'éducation de ses parents. Et cela a fait de lui un homme honnête et un enfant juste. Il craignait le Seigneur dans sa vie. Et le Seigneur le fit prospérer. Nous avons montré hier avec insistance qu'il est très important pour les jeunes gens, les jeunes filles, de recevoir Christ pendant qu'ils sont encore dans leur jeunesse. Tous les jeunes qui rejettent l'offre que Christ leur donne dans la jeunesse, nous avons montré qu'ils commettent une très grosse erreur. Ils attristent le Saint-Esprit. Il n'y a pas de joie sur cette terre, dans la jeunesse, pour laquelle un jeune homme peut rejeter Christ. Nous avons montré que c'est un mensonge horrible du diable. Il n'y a pas de bonheur dans la jeunesse. Il n'y a pas de jouissance dans la jeunesse. Tout est mensonge. Et tout est un piège de l'ennemi. C'est pourquoi nous avons pris l'écriture d'Ecclésiaste au chapitre 12. Pour dire à nos jeunes gens que Dieu punira chaque péché commis dans la jeunesse. Il n'y a aucun péché de la jeunesse qui sera couvert devant le Seigneur et qui ne recevra pas un jugement de la part de Dieu à moins qu'on se répande. Nous avons montré hier que c'est un mensonge du diable. On doit chercher le Seigneur quand on est encore enfant. Nous devons attacher nos cœurs, nos âmes à Dieu lorsque nous sommes encore des jeunes gens. Lorsqu'un homme attache son cœur au Seigneur, Dieu le fera toujours prospérer. C'est pourquoi les conseils que nous avons reçus d'Ecclésiaste de dire que nous devons nous souvenir du Créateur pendant les jours de notre jeunesse. N'attendons pas que ça soit trop tard. Non, bien-aimés frères et sœurs. Lorsqu'un enfant écoute la parole, et que Dieu dit à son cœur, c'est le moment de croire. Et qu'il tourne dos à l'appel de Dieu sous prétexte de l'enfance ou de la jeunesse. C'est fini pour cet enfant. Dans le message, Dieu mal compris. Comme je l'ai dit hier, une question a été posée à Fabanam. Page 8, question 133, paragraphe 31 à 35. Les deux enfants âgés de 6 ans à 8 ans étaient ici à l'hôtel ce matin. Dans combien de temps conviendrait-il de les faire baptiser? Et je pense que ce soir, dans cette église, il n'y a même pas un frère ou une jeune sœur qui a 6 ans ou 8 ans d'âge. Mais ces deux enfants de 6 ans et de 8 ans avaient entendu l'évangile, ils ont accepté l'appel. Et même le diacre doutait de leur baptême. Il dit, ce sont encore des enfants, nous devons attendre. Mais combien de temps devons-nous attendre pour qu'ils soient baptisés? Fabanam répond, aussitôt que possible. Répondez-vous immédiatement. Et soyez baptisés. Et cela au nom de Jésus-Christ. C'est ça la question numéro 1. C'est ce que je conseillerais. Mais nous découvrons dans l'écriture. Vous direz, est-ce que c'est scripturaire? Obama me répond. Lorsque Pierre prêcha le jour de la Pentecôte, 3 âmes furent sauvées et baptisées le même jour. L'écriture dit, c'est Actes 2, 41, alors, aussitôt que vous croyez au Seigneur, et l'acceptez comme votre sauveur, allez directement vers l'eau, et que votre confession débute là même. Jeune, comme Dieu, peu importe. Vous me direz. Eh bien, ces enfants semblent très très jeunes. Jésus a dit. C'est Matthieu 19, 14. Laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour eux, pour ceux qui leur ressemblent. Jamais je n'oserai empêcher un enfant de venir à l'autel ou d'être baptisé, quel que soit son âge. Pour moi, l'âge n'a pas d'importance. C'est pourquoi il est très important que les jeunes gens consacrent leur vie au Seigneur. Dans le message, viens et suis-moi. Au paragraphe 21 à la page 9. Il s'agit, vous voyez, je commence au milieu. Il s'agit de ce qui est dans l'enfant. Du caractère de l'enfant. De ce qui est au-dedans de vous. Et ce que vous êtes maintenant, c'est ce que vous serez probablement le reste de votre vie. Vous êtes à l'étape où s'opèrent les changements. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Christ se font avant 21 ans. Cela est confirmé. Les statistiques les prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ viennent avant 21 ans. Après avoir dépassé cet âge, vous devenez plus modélé et ancré dans vos voies. Vous devenez modélé et ancré. Vous êtes déjà taillé. Et tu deviens maintenant ancré dans vos voies. Oh, bien sûr que c'est possible. C'est possible. C'est possible que les gens viennent à 70 ans, à 80 ans. À 80 ans. Mais cela est très rare. Vous voyez, vous vous formez lorsque vous êtes jeune. Vous taillez votre caractère. Vous taillez votre chemin. Vous taillez votre vie. Vous vous formez lorsque vous êtes jeune. Vous fixez vos ambitions sur ce que vous voulez faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie. Vous y pensez. Et quand vous y pensez naturellement, c'est votre pensée. Cela est présenté à votre esprit. Par quelque chose d'inconnu qui domine votre esprit. Et puis quand c'est l'esprit, alors vous le proclamez, disant que vous allez l'accomplir, et alors vos ambitions vous conduisent vers cela. Que Dieu vous bénisse. Robanam est très clair. Regardez dans notre assemblée ici. Nous n'avons pas beaucoup de vieillards. Mais ceux qui forment les membres de cette église sont des jeunes gens. Pour confirmer ce que la Bible dit ici, regardez dans l'Acte des Apôtres au chapitre 2. Dans son verset 17, nous lisons. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des sons. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Et vous voyez que selon la prophétie, les jeunes gens et les jeunes filles et les jeunes garçons doivent recevoir l'Esprit de Dieu au temps de la fin pour servir le Seigneur en guise de témoignage. C'est pourquoi un jeune garçon, une jeune fille qui rejette l'offre que Christ lui donne dans sa jeunesse, il s'exclut lui-même de la promesse. Dans Amos au chapitre 8, ce sont les prophéties concernant les jeunes. Au verset 11, l'Écriture dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à une autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Dans la miséricorde, Dieu appelle tout homme. Mais il est fondamental. Il est très important que les enfants livrent leur vie entre les mains du Seigneur pour que Dieu les conduise. Que les jeunes gens disent, Seigneur, nous sommes incapables de protéger notre vie, de garder vie, de nous conduire nous-mêmes face à ce monde de pécheurs où le diable plane partout, soit face au péché du moment. Seigneur, je t'offre ma vie et viens à mon secours. Conduis ma vie sur le chemin de la vie. Maintenant, si Dieu prend la responsabilité de ta vie, de le bas âge, de ton enfance, de ta jeunesse, tu seras l'homme le plus heureux, tu seras la femme la plus heureuse que n'importe qui sur cette terre. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous vous exhortons à vous attacher au Seigneur pendant que vous êtes encore jeunes. Que Dieu vous bénisse. Mais notre grand problème aujourd'hui, si les jeunes gens et les jeunes filles deviennent des délinquants, kama vijana wanaume na wanawake wanakuja wakawayawaya, c'est d'abord la délinquance parentale, kwanza ni ukosefu wenyewe wa wazazi, qui est à la base de tout cela. Wazazi wenyewe ndio wanakuwa na wakawayawaya. Je pense pour que tout c'est le voyou. Ce qui est regrettable aujourd'hui, la sikitiko leo, est le plus grand problème que nous avons. Magumu tuko nayo. Si nos jeunes gens, kama vijana wetu, deviennent des délinquants, des voyous, bavoyou, c'est premièrement la responsabilité des parents. Les parents ont démissionné. Les parents ont abandonné les responsabilités. Chacun dans son coin esquive la responsabilité qu'il a. Kila mtu kwa pande zake anakuwa na katala mabujite konani aneacha. Et les enfants sont abandonnés. Na watoto wanachiliwa tu. Parce que les parents eux-mêmes n'ont pas d'éducation. Sababu wazazi wenyewe wanakosewa majibisho. Les parents eux-mêmes ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Wazazi wenyewe hawaongozwi na roho ya Mungu. Les parents eux-mêmes n'ont pas la représentation de ce qui est pur, de ce qui est juste. Wazazi hawajui kwa safi na ya haki. Manquant la représentation de ce qui est juste et correct, ils abandonnent leurs enfants wanaacha watoto yao dans n'importe quelle voie sans s'en soucier. Bila kuangaika. Et ça, c'est le plus grand problème. Naï na kama gumu. C'est pourquoi le taux de la délinquance a beaucoup augmenté. Et ça, nous le voyons même dans nos églises. Il y a peu de croyants chrétiens qui se soucient beaucoup de l'éducation de leurs enfants. Nous le voyons même dans notre église. Quand nous parlons avec les parents, quand nous écoutons les mères parler sur leurs enfants, sur leurs filles, ils parlent avec une légèreté de telle manière que vous verrez vis-à-vis de la parole qu'ils ont déjà démissionné, ils ont déjà abandonné ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, combien de parents gardent les fouets dans leur maison? Combien de parents chicotent leurs enfants, leurs filles? Mais qu'est-ce que nous n'entendons pas? Cet enfant n'écoute pas. Cet enfant ici est têtu. Et les parents abandonnent les responsabilités sous prétexte que les enfants sont devenus têtus. Et pourtant l'Écriture dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Le fouet de la correction les délivrera. Mais ceux qui devaient s'occuper de ces enfants-là n'ont plus la représentation juste de ceux qui devaient faire. C'est pourquoi la délinquance, même dans nos églises, Nos enfants deviennent des délinquants. C'est très grave. Nos chrétiens et nos chrétiens de demain deviennent des délinquants. Les parents ne sont plus comme Job. Les parents n'ont plus le souci de leurs enfants. Les parents n'ont plus le souci de leur avenir. Ils peuvent dépenser beaucoup d'argent, comme je le disais hier, pour les études. Mais qui, à la fin de ces études, ils seront que des délinquants et des voyous. Ils seront inutiles à la famille. Ils seront inutiles à la société. Mais qui utiliseront leurs connaissances et leur argent pour glorifier le diable, parce qu'ils n'ont pas reçu la base dans leur cœur du christianisme. Ils n'ont pas été élevés sur la véritable voie de la décence et de la vérité. Mais combien de parents prient pour leurs enfants? Combien de parents parlent à leurs enfants? Aujourd'hui, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il est vrai que l'Écriture dit, dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ça, c'est la vérité. C'est oui et amen. Mais cette parole, cette prophétie, ne doit pas nous pousser à abandonner nos responsabilités. Non, bien-aimés frères, parmi les délinquants, parmi les rebelles, Dieu fera aussi une grâce. Il trouve aussi des enfants obéissants. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Nous avons déjà abandonné nos responsabilités. Job avait un souci permanent. Dans Job au chapitre 1, verset 5, vous lirez que Job s'est soucié de ses enfants. Soir, il se disait dans son cœur, peut-être mes enfants ont offensé Dieu. Il offrait un sacrifice pour eux. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un sacrifice animal. Mais nous avons besoin d'offrir une prière pour nos enfants. Mais combien les font encore? La prière a disparu. Les conseils ont disparu. Le fouet a disparu. Et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et voilà pourquoi nous récoltons tout ce que nous avons. Maintenant, me dit ceci dans Job, serviteur de Dieu. Job, serviteur de Dieu, me dit ceci. Au paragraphe 39, nous lisons. Si nous avions plus de pères et de mères ce soir, tellement intéressés à leurs enfants, qu'ils offriraient le sang versé de l'agneau pour leurs enfants chaque soir au trône des grâces. Nous n'aurions pas beaucoup de comportements bizarres comme nous en avons parlé. parmi les jeunes gens. Alors, s'il est dit, peut-être qu'ils ont péché. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais peut-être, mais pour être sûr, j'offrirai un sacrifice pour eux. Maman, maman, vous savez que c'est une honte aujourd'hui. Et le père aussi. De voir que nous manquons d'intérêt pour les enfants. Et nos jeunes. C'est une honte, comme Frère Branham dit. C'est une honte pour nous qui croyons ce message. C'est une honte comme parents. C'est une honte comme mère. De manquer d'intérêt sur l'éducation de nos enfants. C'est une honte. C'est une honte pour nous de manquer les soucis sur nos enfants lorsqu'ils sont encore jeunes. Vous laissez les enfants sortir et faire tout ce qu'ils veulent. Ils courent toute la nuit et tout. Ils rentrent et on semble ne pas être concerné par cela. Vous laissez vos filles sortir avec des garçons qui fument, qui boivent, qui vont jouer aux machines à sous, et danser toute la nuit et rentrent. Et ensuite vous dites, et vous vous dites chrétien, et vous tolérez de telles bêtises, ce n'est pas correct. Nous devrions les amener au Seigneur. C'est une honte. Nous avons démissionné. Nous n'avons plus d'intérêt dans l'éducation de nos enfants. Nos enfants sortent de nos maisons comme ils veulent. Ils se promènent comme ils veulent. Ils rentrent à la maison comme ils veulent. Et aucun des parents ne enfants. C'est une maladie des parents aujourd'hui. C'est la délinquance des parents. Si un parent trouve normal que sa fille, que son jeune homme sorte n'importe quand, rentre n'importe quand, et qui se promène n'importe comment, qui lit des amitiés comme il veut, et sans avoir du souci, il est faux dans son cœur. C'est un parent voyou. Si une mère ne voit pas de mal dans ses sorties de ses filles, de ses garçons, il n'a même pas une voix pour élever contre ces choses, contre ces comportements, et justifie cette liberté comme étant la liberté de la jeunesse. C'est un parent voyou. Il ne connaît ni Dieu et il n'a aucune éducation de la parole. Nous sommes tous responsables de la délinquance de nos enfants. Parce que nous avons abandonné notre responsabilité. Nous n'avons pas accompli notre devoir. Nos enfants ne veulent pas suivre les chemins de la vie. Ils ne veulent pas la parole. Ils veulent le plaisir. Ils veulent le monde. on a plein d'avenir. Et nous nous disons, c'est leurs affaires. Oh, il est bengali. Nous ne comprenons absolument rien. Parle à ce qui équipe nous. Et Dieu nous jugera pour cela. L'amour va être beaucoup mon Dieu aïe. Parce que Dieu nous a donné des responsabilités. Avoir un enfant, c'est une responsabilité. Que nous répondons devant le Seigneur. Vous trouvez même des parents, des mères, des pères qui disent, laissez-les, c'est un jeune, lui-même comprendra, au temps de Dieu, il retournera la parole. Nous avons vu des jeunes gens, nous avons vu des enfants, des frères, qui ont cru à l'âge de l'enfance, qui sont devenus des grandes prostituées et des grands prostitués. Un parent et une mère, Mama. Ou un papa, oh, Baba. Qui parle ainsi, c'est un voyou, yeah. C'est un parent délinquant qui n'a pas de cœur. C'est pourquoi nous devons revenir. La page vous dit. Nous-mêmes, en tant que parents, nous avons abandonné le chemin. Nous avons abandonné nos responsabilités. Nous devons d'abord nous devons commencer par revenir à la parole. Enfin, nous ferons revenir nos enfants à la raison. Si un parent a perdu raison, il ne peut pas rentrer ses enfants dans la raison. Si un parent est voyou, il ne peut pas voir le mal dans ses enfants. Si une mère, un parent, un père, dans son cœur, il a l'esprit de la prostitution, il a l'esprit hybride, un esprit souillé, il ne verra jamais le mal dans sa fille, dans son garçon, qui se comporterait comme un voyou. Qui est tout qu'on a dit d'aller au Bukalamouche, oui, vous tortez le Bukalamouche, oui, vous tortez au Bukalamouche, ni vous ouéle, ouéle, la sottise. Vous voyez bien, mes frères, non, vous tortez au Bukalamouche, un enfant, ni vous tortez au Wakupenda, mambo ya Mungu, l'enfant là qui aime la parole de Dieu, ni vous tortez au Wakufuata, mon Dieu, à Bazaziake, par la peine de Kumongoza. La conduite de ses parents si sont mais quoi t'as tout bateau ton délinquant et abandonné bateau ton et sous prétexte non c'est ma ni boutonto oh c'est l'enfant ni boucalamouche oh c'est la civilisation ni chef et n'est abandonné ma droite nous qui avons abandonné ma roussa et ça c'est vrai dans les pouilles c'est tout du côté des soeurs ça y est dit qu'on a bavadat. Parapenda pour se mêler à tout ça. Elle plaide beaucoup pour leurs enfants. Un enfant qui agit mal. Peut-être que le papa veut prendre le fouet. Ou une mesure très sévère sur l'enfant. Beaucoup de femmes. Se tiennent à côté de leur mari comme des sacrificateurs des démons. Il plaide pour des démons. Il apprécie les conduites voyous et délinquants de leurs enfants. Mutoto wa Mungu, un enfant de Dieu. Nabatoto ben kukala manyumba batoto ya Mungu. Bana pasha kuifungula akili. Wakati bangali batoto, pas la voix de la parole, pas la voix de l'esprit de Dieu. Jaro ya Mungu. Aina miaka. Ce n'est pas il ambao inafungulaka mtu akili. Donne l'intelligence. Il inafungulaka mtu akili. Donne l'intelligence. C'est la parole de Dieu. Voyez bien mes frères et sœurs. Non, non, non, non. Aïna Masomo. Ce ne sont pas les études. Masomo est fungula qui vantoua qui. Les études ne donnent pas l'intelligence. Non, bien mes frères et sœurs. Voilà. C'est Dieu. Le Mungu. Si aujourd'hui nous parlons de d'Ozias, c'est parce qu'il était, il avait des parents qui lui parlaient de Dieu. Et cet enfant avait un cœur humble pour accepter la voie sur laquelle les parents voulaient qu'il marche. Mais aujourd'hui nous avons tout abandonné. On ne sait plus que faire. C'est un manque d'intérêt. Et c'est faux. C'est pourquoi les enfants deviennent délinquants. Nibintu ya hai ya leo. C'est honteux. Batoto yetu. Nos enfants. Banaume na banamuke. Garçons et filles. Baba toto baba Christu leo. Les enfants des chrétiens. Mutoto mwanamuke. Les filles. Banafunda bikira yake. Bon, des fois. Mutoto mwanaume. Jeune homme. Eko na kaburia banamuke mimi. Yangosi. C'est inconcevable. Mutoto nazali kwa dans un foyer chrétien. Ana komea dans l'école du monde. Il a grandi, ma soeur. Ana komea, ma soeur va tout au cours. Ana batiswa. Après avoir reçu tous ces enseignements, néanmoins, il décolle. Ce n'est pas la faute de la parole. C'est la faute des parents. C'est notre faute. Parce que nous ne prenons pas suffisamment de temps dans nos maisons pour parler à nos, au cœur des enfants, pour clouer les paroles que nous avons reçues, les paroles que le Seigneur nous a enseignées, les clouer dans nos enfants, tailler dans leur cœur une voix de Dieu. Une fois quitté l'église, chacun s'occupe de ses affaires. Et aucun n'a le temps, n'a le souci de parler de Dieu dans son cœur, de parler de Dieu à ses enfants, de parler de Dieu à ses filles. C'est une honte. Quand vous trouvez les mères assises avec les filles, elles parlent de futilité. Quand vous voyez un papa s'asseoir avec son garçon, il lui parle de futilité. Et voilà le résultat que nous récoltons. Si nos enfants n'ont pas d'intérêt à la parole, c'est parce que nous-mêmes en tant que parents, nous n'avons pas d'intérêt à la parole. Si aujourd'hui nous négligeons nos enfants, c'est parce que nous-mêmes en tant que parents, dans notre délinquance, nous avons négligé Dieu. Si un homme néglige Dieu, comment pourra-t-il conduire ses enfants dans la voie de Dieu? Si lui-même est rétrograde, si le parent est rétrograde, comment lui-même peut pousser ses enfants à amener à être dans le réveil? Nos bien-aimés frères, nos bien-aimés sœurs, la responsabilité nous incombe. Quand Malé Obintu a bien dit que Mouzouri Moujoumbe, Kama Bintu a bien dit que Mouzouri Mouimani Yetu, Nishi Yevazazi, Yo Tunesha Kwa Tchamambo Yamungu, Tunesha Kwa Nama Esprit Religieux, Tunesha Kwa Nama Esprit Denominationnel, Kisha Kwa Tchamambo Yamungu, Na Kukosa Kone Mambo Yamungu, Yo Kile Tunachia Tena, Batoto Yetu Banaume Na Banamuke, de pousser les enfants dans les choses de Dieu. C'est une honte. Ni aya. Et pourtant, ce n'est pas pour cela que la parole est venue. Les croyants du message du temps de la fin se sont tellement écartés, se sont tellement éloignés des choses avec lesquelles la vie du... ils auraient dû rester. Comme au début, les croyants du message, se sont tellement écartés des choses auxquelles ils devaient rester. C'est ça la maladie. Oui, bien aimé frère. Et nous avons embrassé de nouvelles habitudes dénominationnelles. Nous avons embrassé de nouveaux comportements. Nous avons arrêté ce qu'on faisait. Et nous faisons maintenant ce qu'on ne faisait plus. Et cela nous a beaucoup embrouillé. Quand ce message est venu, le message avait une rigueur terrible. Mais aujourd'hui, c'était laissé aller. Nous sommes devenus comme des dénominationnels. Nous sommes devenus comme des dénominationnels. Exhortation qu'on a vues. Mais le malheur est que tu n'es à quoi tu le bisela, tu n'es à quoi tu le maïcha, tu l'embrasses, ma bisela ya sasa. Il y a des nouvelles habitudes et des dénominationnels. Et ces choses ont rendu nos églises froides. Et la confusion est devenue partout. La confusion partout, frère. Dans nos églises, la confusion. Dans nos foyers, la confusion. Parce que nous-mêmes, en tant que croyants, nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans la confusion parce que tout n'a arrêté. Oui, bien aimé frère. C'est terrible. Nos enfants sortent avec le monde. Et nous ne disons rien. Nos enfants s'habillent comme le monde. Et nous ne disons rien. Nos enfants pas n'importe comment comme le monde. Et nous en tant que parents, nous disons rien. Ils vivent, ils font comme le monde. Et nous disons rien. Les croyants sont devenus mondains. Et le pasteur ne dit rien. La pasteur a signé dit tout. Ce n'est pas seulement l'erreur des croyants, c'est l'erreur aussi des prédicateurs, c'est l'erreur aussi des pasteurs. Tout le monde a démissionné. Les pasteurs ont démissionné, les prédicateurs ont démissionné, les parents ont démissionné, et les enfants sont jetés sur la rue. Et c'est fini. C'est pourquoi on n'avance plus. Les choses que le pasteur, que le prédicateur s'enseignent à l'église, aujourd'hui, ils ne le font plus. C'est très grave. Le pasteur s'enseignent de mauvaises fréquentations. Graphique. Aujourd'hui, Léoï, vous trouvez, il y a des sœurs, il y a des frères qui ont la joie d'être en compagnie, des païens. Vous trouvez une sœur. Et qu'on a courage à quoi à ta pasteur. Présente le païen là, ça va faire par où. On a coupé frère pour la présenter mon parent dans ce où il la fiamme intime. Un païen la sanglure la fiamme. Et les pasteurs ne disent plus rien. La pasteur qui n'a pas basé métier. C'est très grave. Nous sommes devenus tous démissionnaires. Et pourtant nous attendons le retour du Seigneur. Toutes les choses qu'on censurait. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et même la nouvelle génération qui arrive ne sait plus sur quel pied danser. S'il y a un vieux prédicateur qui a le bon sens pour condamner ces choses, il devient comme un toqué. Parce qu'on ne les comprend plus. Les télévisions ont tellement afflué dans nos maisons. La télévision n'a pas mis les manions. Et elles sont mal utilisées. N'a pas tenu à Mumbai. Et les parents, et les prédicateurs, et les pasteurs ne disent rien. Tout le monde va voir un téléviseur. C'est la montre à peine d'avoir la télévision. Pour regarder les films. En gagnant comme un film. Les films malsains. Les chansons mondaines. Ne sont plus censurées. A dit que nous étions. Quand on prend les téléphones des enfants, il y a toute la musique mondaine. Il y a des choses malsaines. C'est très grave. Les divertissements sont entrés. Les amusements parmi les croyants. Et les pasteurs ne disent rien. Le prédicateur ne dit rien. Voilà notre chute. Voilà notre délinquance. Nous sommes devenus une église de voyous. Au lieu d'être des hommes, femmes qui défendent la pureté de la parole, aujourd'hui on trouve bon, on ne voit pas de problème. C'est très grave. Ésaïe 56:17. Sommes devenus des démissionnaires. C'est tous les points. Verset 10 à 12. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, s'étaient couchés et un assommeillé. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt. Jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin. Et nous boirons de liqueur forte. Nous en ferons autant demain. Et beaucoup plus encore. Les prédicateurs et les pasteurs sont devenus des chiens muets. Chacun cherche son intérêt. Mais l'intérêt de Christ dans le cœur de croyants a été bafoué. C'était mal, c'était un péché. Il c'était péché dans les églises de la sainteté de regarder le match, télévision, de jouer aux cartes, de jouer à la loterie, de jouer aux dames, de jouer, de faire tous les jeux mondains, d'entendre les chansons mondaines, de se marier au païens et aux dénominationnels. Mais aujourd'hui, au nom de la connaissance, et au nom de la civilisation, tout est permis. Et les prédicateurs ne disent rien. Quelle honte! Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Ce sont des pasteurs et des prédicateurs qui sont avec les télécommandes. Et qui a gagné? Ni Loupopo. Ni Argentin. C'est un péché dans les églises de la sainteté. Mais aujourd'hui, au nom de la civilisation, au nom de la connaissance, si vous lui dites c'est un péché, il dit c'est écrit où? C'est très grave. Tout est permis. C'est ma aussi. Batoto banamuke, batoto banaume, veko na wabo pagano, veko na olewa na wapagano, on ne sait plus rien. On a dit ça au commun. Batoto veko na soma, les enfants étudient, veko na ngaria, mouma télévision, mouma internet, bintu ya bouchafu, et on ne s'en sert plus ces choses. C'est très grave. Ni volé. C'est pas, vous voyez, aujourd'hui on ne prospère pas. Nous reculons. Les gens parlent du réveil. Mais ils parlent d'un réveil qui ne viendra pas parce que nous sommes morts. Dans la mondanité, dans le péché. L'église est devenue seulement formaliste. C'est faux frère. C'est faux sœur. Nous devons revenir au premier pas. Si nous avons besoin de réveil, si nous avons besoin de Dieu au milieu de nous, nous devons retourner au premier pas. Si nous voulons être une église de la sainteté, nous devons jeter dehors tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Oui, bien aimé frère. Le soir dans nos maisons, les parents, les enfants et les parents ont beaucoup de temps pour regarder les films à la télé, mais ils n'ont pas suffisamment de temps pour prier et pour lire la parole de Dieu. C'est une honte. Et nous cherchons le réveil. Et c'est dans les maisons des prédicateurs. Dans les maisons des pasteurs. Où on trouve toutes sortes de jeux mondains. Nous les voyons même aujourd'hui. Même les enfants, nos propres enfants. Quand on attend pas un jeu, on lui achète les jeux ici mondains. On commence déjà à briser sa foi dès le bas âge. Et nous attendons le réveil. Oh, Angari Mutoto, une maman, un papa peut voir sa fille en train de jouer la musique mondaine qui est du voisin. On ne censure rien du tout. Après, pour mon bien frère, vous avez déjà quelle musique? Pour que dans la conscience, et même dans les subconscients de cet enfant, qu'il retienne que cette musique ici, chez nous, elle n'est pas tolérée. Mais on la laisse. Écoutant le diable, commence à travailler sur l'enfant, à empoisonner son esprit dès le bas âge. C'est très grave. La connaissance a tout permis. La civilisation a tout permis. Satan est entré. dans la ruse. Mais Djanga. Et les bergers n'ont même pas vu cela. Ils ne disent rien. Les uns sont déjà au paradis. Parce que l'argent, l'argent a beaucoup afflué dans les églises. Les autres se plaisent dans les sens matériels. Pour eux, c'est le paradis. L'argent a toujours été un mauvais maître. Quand nos églises n'avaient pas d'argent, les gens se consacraient plus aux choses de Dieu. Et la parole était prêchée avec sa dernière énergie. La parole de la sainteté. Et le monde savait que ces églises du message sont les églises de la sainteté. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus comme les autres. C'est très grave. Parce que chacun a une activité quelque part. Le pasteur pour l'argent. Le pasteur il en prend. Les prédicateurs ont l'argent. Les brebis sont devenus beaux, sont devenus triqués. Les églises sont devenues plus, de plus en plus meilleures. Et la vie de croyant a été négligée. Mais les choses doivent changer. On ne doit pas demeurer dans les mêmes choses. Honte de dire la vérité. Ils ont honte de prêcher la vérité. Parce qu'ils sont liés à des compromis. Compromis de vie. Compromis d'amitié. Compromis de doctrine. Vous voyez bien mes frères. Quand ma pasteur est moigné, si le pasteur a oublié le moigné, le prédicateur. Tu as compris, il entraîne toute l'église dans sa vie. C'est une compromission de la vie. Dieu aime des gens honnêtes. Dieu aime des prédicateurs honnêtes. Dieu aime des pasteurs honnêtes. Quand on a il n'y a pas d'argument. Il n'y aura aucun verset. Il n'y aura aucune citation qui peut couvrir quelqu'un qui vit dans le péché. Ça n'existe nulle part. Ouais, bien mes frères. Pasteur, toi, on a quoi dans le verset? Pasteur, pour la couleur, maintenant, pour qu'il n'achète pas son église, parce que moi, la semaine spirituelle, il dit non, la boisson n'est pas un péché. Voilà la bassesse. Voilà l'œuvre de l'ennemi. Voilà comment les gens sont devenus délinquants. Quand un prédicateur sait que son ami intime est tombé dans une telle faute, est tombé dans un tel comportement, est tombé dans un tel péché, au lieu de proclamer la vérité, au nom de l'amitié, on fait des compromis. Bon, c'est méchant. Comment le réveil viendra? Christ est à la porte. Où sont ces prédicateurs? Où sont ces pasteurs? À l'ancienne mode. Qui peuvent se tenir devant la congrégation et dire ce qui est noir, noir, ce qui est blanc, blanc. Ce qui est péché, péché, ce qui est justice, justice. Où sont-ils? Quand chacun prêche, il prête oreille aux autres pour être en paix avec les autres. C'est ce qui nous a tués. Nous avons oublié que le salut est individuel. Nous avons oublié que chaque prédicateur et chaque pasteur répondra pour son ministère, répondra pour la charge que Dieu lui a donnée. Nous avons tout oublié. Et le pasteur, et le prédicateur, et les parents, et les enfants, nous sommes devenus tous des voyous, des délinquants. Nous avons abandonné la voie de Dieu. On a changé la main. Au nom de la connaissance de la civilisation, c'est une honte. Ça doit briser les cœurs de tout homme juste. De toute femme, de tout homme qui cherche la vérité. De tout homme, de toute femme qui cherche la face de l'Éternel. Il doit être brisé. Son cœur doit être brisé. Il doit avoir honte de lui-même. C'est un temps de serpent. Parce que Jésus-Christ est la porte. Jésus ne viendra pas trouver nos églises dans cet état de froideur. Nos églises plongées dans la mondanité, dans les sûrs, dans le péché, dans la négligence. Non. C'est un temps de réveil. Levons-nous pour la prière. Continuons.